بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس الثاني في كتاب الصلاة من عمدة الأحكام nous allons entamer le deuxième cours dans l'explication du livre de la prière dans عمدة الأحكام ابتدأ المصنف رحمه الله بباب المواقيت. L'auteur il a commencé par le chapitre des horaires délimités pour les prières. Le chapitre المواقيت, ce sont les horaires qui sont délimités pour chaque prière. وذلك لأن الصلوات لها أوقات معينة يجب على المسلم أن يصليها في أوقاتها. Il a commencé par cela, pourquoi ? Parce que chaque prière a des moments prédéfinis et qu'il est obligatoire aux musulmans d'accomplir ces prières à leur temps. Et ça c'est important les frères. Et je sais que ici nous sommes beaucoup éprouvés par rapport à cela et je le répète tout le temps et aujourd'hui on l'étudie. Cela fait partie des conditions de la prière, le fait que ta prière soit effectuée dans son temps. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » Certes, la prière a été rendue obligatoire aux croyants à des moments prédéfinis. À des moments prédéfinis. « Fadhakar al-hadith al-awwal » Et donc l'auteur a cité le premier hadith. « An Abi Amr al-Shaybani wa smuhu Sa'd ibn Iyas qol » Selon Abi Amr al-Shaybani et son nom, c'est Sa'd ibn Iyas qui dit حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله. Il dit le propriétaire de cette maison nous a rapporté donc c'est-à-dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le propriétaire de cette maison nous a parlé et il a montré la maison de Abdullah, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. Donc Abdullah ibn Mas'ud qui dit j'ai demandé, j'ai interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم sur quelle œuvre est la plus aimée d'Allah. Quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah? قال الصلاة على وقتها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant la prière accomplie à son temps. La prière à son temps. Qala thumma ay. Ibn Mas'ud continue en disant puis quoi d'autre après cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire bir al walidain. La bienséance, le bon comportement avec les parents. Qala thumma ay. Ibn Mas'ud continue en disant puis quoi. Le prophète de dire El jihad ou fi sabilillah. Le jihad dans le sentier d'Allah. Qala haddathani bihin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa law istazadtuhu li zadani. Ibn Mas'ud à la fin du hadith il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a rapporté cela et si je lui avais demandé plus, il m'aurait cité plus que ces trois éléments qui ont été cités dans le hadith. ففي هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله. Il y a dans ce hadith le fait d'affirmer l'attribut d'amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. فالله يحب ويحب. Et donc Allah est aimé et il aime. Allah est aimé, nous l'aimons et il aime aussi Allah tabaraka wa ta'ala. فأهل الزيغ أنكروا هذه الصفة. أما أهل السنة فيثبتونها كما يثبتون سائر الصفات. Et donc les gens de l'égarement, ils ont rejeté cet attribut. Ils ont rejeté le fait que Allah aime. Mais les gens de la Sunna, ils ont affirmé cela. Ils ont affirmé cet attribut comme ils ont affirmé les autres attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَحَبَّةُ اللَّهِ تُنَالُ بِأَسْبَابِ. Et l'amour d'Allah s'atteint par des causes. وَقَدْ ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدُهَا. Et certaines de ces causes sont citées dans le hadith que nous voyons aujourd'hui. فَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا. Et donc il y a dans le hadith le fait que parmi les œuvres que Allah aime le plus, il y a le fait de prier, d'accomplir les prières à leur temps. وَهُوَ مِمَّا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ. Et cela fait partie de ce que Allah a imposé à ses serviteurs. Il ne faut pas penser que c'est parce que cela fait partie des choses les plus aimées que ça veut dire que c'est mustahab. Et donc on te dit, ah c'est ça que Allah il aime le plus. Et donc ça veut dire que c'est mustahab de prier, d'accomplir la prière à son temps. Non, wajib. Il est obligatoire. Ce n'est pas parce qu'un acte fait partie des actes qui te rapprochent le plus d'Allah que ça veut dire que l'acte est recommandé et pas obligatoire. Comme si les actes obligatoires ne rapprochaient pas d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rappelez-vous le hadith Qudsi. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alayhi. » Mon serviteur ne se rapproche de moi par une chose que j'aime le plus, par une chose que j'aime le plus, que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et donc, naam, accomplir la prière en son temps, c'est obligatoire. Et c'est ce que Allah tabaraka wa ta'ala aime le plus, comme ça a été cité dans ce hadith. فَإِنَّ إِخْرَاجَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا مُحَرَّمًا أَوْ مُحَرَّمًا مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ وَأَعَدَّهُ بَعْدُ الْعُلَمَا مِنَ الْكُفْرِ. Et certes, le fait de retarder la prière jusqu'à ce qu'elle sorte de son temps, cela fait partie des grands péchés. Et certains savants ont compté cet acte comme de la mécréance. De la mécréance, le fait de faire sortir la prière en dehors de son temps. فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَا فِي مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا أَيْ يَقْضِيهَا أَوْ لَا. Et donc les savants, ils ont divergé. Concernant la personne qui a fait sortir la prière de son temps, est-ce qu'il la rattrape ou pas? Exemple. Non. La personne a fait sortir la prière de son temps volontairement. Est-ce que cette personne va rattraper la prière ou pas? La personne, elle travaille, elle est à son travail. Le patron arrive. Ah, il faut travailler. Est-ce que je peux aller prier? Non, tu es au travail. Il n'y a pas de prière ici. Moi, je ne suis pas musulman, il n'y a pas de prière ici. Ah, mais moi, je suis musulman. Ah, ça, c'est ton problème. Moi, ici, tu es au travail, tu travailles pour moi. Et donc, il reste, il travaille jusqu'à ce que la prière sorte de son temps. Est-ce qu'il rattrape la prière ou pas? Les savants ont divergé. فَذَهَبَ الْجُمْهُرُ إِلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا أَيْ أَخَّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ. Et donc, الْجُمْهُرُ, la majorité des savants, ils voient que la personne qui fait la prière sortir de son temps, il lui est imposé le fait de rattraper cette prière. Il lui est imposé le fait de rattraper cette prière. من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. Et parmi leurs preuves, il y a le hadith, la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, celui qui s'endort pendant la prière ou qui l'oublie, alors qu'il l'accomplit lorsqu'il s'en rappelle. Elle est où la preuve dans ce hadith concernant celui qui a retardé la prière intentionnellement? Mais le hadith, il concerne celui qui a oublié. Voilà, mimbeb aula. C'est-à-dire, en fait, eux, ils vont dire, Tayyib, Allah tabaraka wa ta'ala awjaba salata ala nasi wa na'im awjaba alayhi al-qada. Fa alladhi akharaha amdan min babi aula. Et donc ils disent, Allah tabaraka wa ta'ala, il a imposé à celui qui a retardé la prière et l'a fait sortir de son... Excusez-moi, à celui qui s'est endormi pendant la prière. Allah lui a imposé de rattraper celle-ci. Et donc celui qui l'a retardé et qui l'a fait sortir de son temps, celui-là, il lui a encore plus imposé de la rattraper. Puisque lui, il n'a pas d'excuse. Celui qui a une excuse, il lui est quand même obligatoire de le faire. Et donc celui qui n'a pas d'excuse, lui-même aussi, il lui est encore plus obligatoire de rattraper cette prière. وَكَذَلِكَ قَالُوا إِنَّ ذِمَّةَ الرَّجُلِ لَا تَزَالُ مُتَعَلِّقَةً بِهَذِهِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَقْضِيَهَا. Et ils disent que cette obligation qui est imposée à la personne d'accomplir la salat, elle lui pèse toujours et elle est toujours présente tant qu'il n'a pas accompli cette salat. C'est une dette. Comme une dette. Tant qu'il n'a pas accompli cette salat, il est toujours obligatoire de l'accomplir. Ça, c'est l'avis de Al-Jumhur. القول الثاني وهو قول ابن حزم وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن علمائنا المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. Et donc le deuxième avis, qui est l'avis de Ibn Hazm, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله, et parmi nos savants contemporains il y a l'imam al-Albani رحمة الله عليهم. قالوا إن من أخر الصلاة عن وقتها عمدا لا يشرع له القضاء. Ils ont dit celui qui fait sortir la prière en dehors de son temps, il ne lui est pas légiféré de rattraper celle-ci. Il ne lui est pas légiféré. Ils n'ont pas dit il ne lui est pas obligatoire. Ils disent il ne lui est pas légiféré. لا يجوز. Ils disent il ne rattrape pas la prière. أصلاً. Il n'a pas à la rattraper. Il ne lui est pas légiféré de la rattraper. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى حَدَّدَ لِكُلِّ صَلَاتٍ وَقْتًا. Parce que Allah تَبَارَكَ وَتَعَلَى a déterminé un temps pour chaque prière. وَقَدْ ذَهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاتِ. Et certes, le temps de cette prière-là, il est déjà fini. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدَّ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui accomplit un acte qui n'est pas conforme à notre ordre, alors son acte, il est rejeté. Ils disent donc, هذا الرجل عمل عملا ليس عليه أمر النبي sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent donc, cet homme, il a accompli un acte qui n'est pas conforme à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait sortir la prière de son temps. Cela n'est pas conforme à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que cette prière peut accepter? Comment est-ce que cette prière peut être acceptée? أما كون الصلاة تجب على الناس والنائم فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه علم ضعفنا فالمعذور منا يستطيع أن يستفيد من هذه الصلاة ولو ذهب وقتها. Et en ce qui concerne celui qui s'est endormi pendant la prière, ou celui qui a oublié, alors cela fait partie de la miséricorde d'Allah. Car il connaît notre faiblesse, il sait que l'homme peut s'endormir, il peut oublier. Alors il a permis à celui qui est excusé de bénéficier de cette prière. Car en effet, cette prière qui t'est imposée, c'est toi qui en as besoin. Allah, il n'en a pas besoin, c'est toi qui en as besoin. Et donc celui qui est excusé, Allah lui permet de rattraper. Allah lui accorde une autre occasion de se rattraper et d'accomplir cette prière même si le temps il est sorti. Ça c'est pour celui qui a une excuse légiférée, c'est-à-dire le fait de dormir, le fait qu'il s'est endormi, il ne s'est pas réveillé, ou le fait qu'il a oublié. Le fait qu'il a oublié. وهذا القول في الحقيقة قول قوي. Et cet avis, ce deuxième avis, est un avis qui est fort et pertinent, particulièrement lorsque on médite sur le fait que parmi les conditions pour qu'un acte soit accepté, il faut obligatoirement un niya, l'intention, qu'elle soit vouée pour Allah tabaraka wa ta'ala seul et qu'elle soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela est vraiment important, naam. هل هناك فرق بين النسيان والسهو؟ النسيان والسهو في كتاب في الدورة لما أخذنا هذا لما أخذنا كتاب السهو في الدورة ذكرنا كلام للشيخ أو لابن حجر رحمه الله في شرح صحيح البخاري ذكر أن بعض العلماء فرقوا بين النسيان والسهو وبعضهم جمعوا بينهما أن النسيان هو السهو والسهو النسيان. ف Et donc les frères, mon conseil à tous, d'éviter de tomber dans ce cas critique où tu te demandes est-ce qu'il m'est obligatoire de rattraper ma prière ou est-ce qu'il m'est interdit de le faire. Ça, c'est vraiment un cas difficile, les frères. Ne tombe pas dans ce cas-là. Certains savants, ils disent même, celui qui délaisse la prière, une prière, intentionnellement, ils disent, il ne rattrape pas. Pourquoi? Parce que, aslan, ce qu'il a fait, c'est un acte qui fait sortir de l'islam. Yastaghfirullah, yatoub. Ça fait partie des avis de nos ulama. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, el-ahdu alladhi baynana wa baynahumus salat. L'engagement qu'il y a entre eux et nous, c'est la salat. Man tarakaha faqad kafa. Celui qui la délaisse, a mécru. Certains savants ils disent walau tarakaha walau salatan wahida. Ils disent même s'il l'a délaissé la prière, ils disent même une prière ça suffit. Et donc fais très attention à la prière les frères, c'est le deuxième pilier de ta religion. Le deuxième pilier de votre religion, faites attention à cela, ne la délaissez pas, ne négligez pas cette prière. Pour quiconque, ou pour quelconque somme d'argent, la première chose dont tu seras interrogé yawm al-qiyam, ta salat, comment tu l'as accompli. Fais très attention à cela, mon frère. Wa kadhalika fil hadith birrul walidain. Il y a aussi dans le hadith la piété envers les parents. وقد تحدثنا كثيرا عن هذا الأمر وأن الله تبارك وتعالى أتبع حقه بحق الوالدين. Nous avons beaucoup abordé ce sujet et le fait que Allah il a fait suivre son droit du droit des parents. Et ce dans plusieurs versets. وقد ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et que vous adoptiez la piété envers les deux parents. وقد اعتنى العلماء كثيرا بهذا الباب. فلهذا ابتدأ الإمام البخاري كتابه الأدب المفرد بهذا الحديث الذي ندرسه. Et certes, les savants, ils ont accordé une grande importance à ce sujet, la piété envers les parents. Et c'est pour cela, rappelez-vous, Al-Bukhari, rahimahullah, il a commencé son livre Al-Adab al-Mufrad avec ce même hadith que nous étudions aujourd'hui. Le premier hadith, tu ouvres le livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, le premier hadith sur lequel tu tombes, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud qu'on étudie aujourd'hui. Et donc ce sujet est très important, les frères, à ne pas négliger. Il t'est ordonné d'adorer Allah, de délaisser ses interdits, d'adopter le bon comportement envers les parents. Tu seras interrogé concernant cela, yawm al-qiyamah. وأنتم تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قدم بر الوالدين على الجهاد. Et vous remarquez que dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم il a cité la bienfaisance et la piété envers les parents avant le jihad. Avant le jihad, il l'a cité sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha yudhakkiruna bi hadith Abdullah ibn Amr fi sahihayn. Et cela nous rappelle le hadith de Abdullah ibn Amr qui est dans le recueil, dans les deux recueils de donc de Al-Bukhari et de Muslim. Anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yasta'dhinuhu fil jihad fa qala ahayyun walidak. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, et donc il lui demandait donc est-ce qu'il peut aller au djihad. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce que tes deux parents sont vivants? Qala na'am. Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa fihima fa jahid. L'homme a répondu, oui, mes parents sont vivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors c'est envers ces deux-là que tu dois faire le djihad. C'est-à-dire, annaka tujahid nafsak fi ridahuma, que tu dois faire des efforts sur toi-même afin d'obtenir l'agrément de tes deux parents. Afin d'obtenir l'agrément de tes deux parents. ويؤخذ من هذا الحديث أن كل ما فيه تعب النفوس يسمى جهادا. Et on comprend dans ce hadith que tout ce qui va fatiguer l'âme, tout ce qui a une difficulté pour l'âme, ça s'appelle jihad. Tu fais talab al-ilm, tu apprends ta religion, tu apprends l'arabe. Tu fais des efforts pour mémoriser le Coran. Tu fais des efforts pour avoir un bon comportement, pour être là pour tes parents à tout moment. Ça s'appelle le jihad. Et c'est pour cela que je le dis tout le temps. Le terme que les médias utilisent pour les terroristes lorsqu'ils disent djihadiste, ce n'est pas un terme correct. Parce que le mot djihad, c'est un bon mot. C'est un bon mot, le mot djihad. Aujourd'hui, ils font peur aux gens de ce mot. Regardez ce hadith. Fafihima fait djihad. C'est concernant tes parents que tu dois faire le djihad. T'efforcer d'obtenir leur agrément. Quelle belle parole. Eux, ils vont comparer ce mot aujourd'hui au terrorisme. Non, ces gens-là ne méritent pas qu'on les appelle djihadistes. On les appelle des criminels. Des criminels. C'est tout. Mujrimoun. Fata'ammalou ya ikhwa fi hadha al-hadith. Méditez donc, mes frères, dans ce hadith et concernant cette législation. Qaddamat birr al-walidain 'ala al-jihad fi sabilillah. الذي هو من العبادات العظام. Et donc méditez sur cette législation qui fait passer la piété envers les parents avant le djihad dans le sentier d'Allah, alors que le djihad dans le sentier d'Allah fait partie des grandes adorations, des grands actes d'adoration. Feme belukum bi rajulin ya'sir walidayhi wa yubkihima li annahu dhahaba ila jihadin mubtada. Et donc, que dire d'un homme qui va désobéir à ses parents parce qu'il est allé faire accomplir un djihad innové, inventé, qui n'a rien à voir avec la religion musulmane? La religion musulmane fait passer la piété des parents, la piété envers les parents avant le djihad légiféré. Que dire de celui qui va désobéir aux parents pour aller vers un djihad qui n'est pas légiféré, qui n'existe pas dans la religion musulmane? Femiskin, la huwa barra walidei, wala dhahaba ila al-jihad fi sabilillah. Et donc le pauvre, non seulement il n'a pas accompli la bienséance, le bon comportement envers les parents, et en plus de ça, il n'a pas fait le djihad fi sabilillah, le djihad dans le sentier d'Allah. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Innama awqa'a nafsahu fi sabil ash-shaytan. Il a juste mis sa propre personne dans le sentier du diable. Voilà ce qu'il a fait. Fayanbaghi an nata'allam, il faut apprendre, les frères. Il faut apprendre. Wa hadha huwa alladhi sanahris wa najtahid wa nujahidu anfusana fi hadha hatta nata'allam dinana. Et donc nous allons nous efforcer pour apprendre notre religion. Nata'allam dinana. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا